Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1, Nathalie Quinard au microphone. Aujourd'hui, nous recevons David Rochelot-Houle, conseiller en éthique à la Commission de l'éthique en sciences et en technologie, qui vient nous entretenir sur les enjeux éthiques du traitement médiatique des changements climatiques. Ce traitement médiatique fait l'objet de plusieurs critiques en ce moment. Il est souvent affirmé que les médias n'en font pas assez pour représenter les changements climatiques comme étant une réelle crise environnementale et sociale. Est-ce bien le cas, David? En effet, plusieurs reprochent aux médias de ne pas avoir accordé une attention suffisante ni d'avoir réalisé un véritable effort de conscientisation sur l'urgence de la crise environnementale et climatique. Les critiques concernent non seulement la quantité des articles couvrant les changements climatiques, que leur rigueur scientifique. Plus particulièrement, il est reproché aux médias d'avoir accordé une trop grande crédibilité aux négationnistes climatiques, couramment appelés aussi les climato-sceptiques. Pour le bénéfice de nos auditeurs, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un négationniste climatique? Oui, donc on peut définir le négationniste climatique comme étant une attitude de déni face au consensus scientifique portant sur l'existence des changements climatiques et de leurs causes anthropiques. Et est-ce que la manière dont les médias considèrent ces négationnistes climatiques est en train de changer? Oui, donc plusieurs groupes médiatiques sont maintenant sensibles à leur manière de traiter des changements climatiques et de la place attribuée aux négationnistes climatiques. Donc c'est le cas notamment du journal britannique The Guardian qui a récemment réalisé un virage majeur dans son traitement des changements climatiques. Donc bien que le journal se démarquait déjà depuis un bon moment à cet égard, il s'est donné comme engagement ferme en octobre 2019 de jouer un rôle de premier plan sur ce qu'il considère comme étant, début de la citation, la question la plus importante et la plus urgente de notre époque, fin de la citation, évidemment, qui est la question de la crise environnementale et climatique. On comprend donc que ce journal s'est doté d'un programme ambitieux. Pouvez-vous nous expliquer brièvement celui-ci? Donc, on peut citer trois engagements de ce journal qui retiennent particulièrement l'attention. Le premier qui est de donner une primauté au discours scientifique. Donc, le journal se donne comme engagement de fournir de l'information environnementale de qualité fondée sur des faits scientifiques et aussi, très important de mentionner, de demeurer à l'abri de toute tentative négationniste provenant d'intérêts économiques et politiques. Le deuxième engagement concerne la couverture des conséquences pour la population, donc des conséquences de la crise climatique. Et le journal propose de couvrir de manière un peu plus particulière la manière dont l'effondrement de l'environnement, y compris les catastrophes naturelles et les phénomènes météorologiques extrêmes, affectent la vie des gens du monde entier. Et qu'en est-il du troisième engagement? Ce troisième engagement concerne un changement dans le choix des mots utilisés pour décrire les enjeux environnementaux. Donc, le journal s'engage à porter une attention particulière au vocabulaire employé pour décrire plus particulièrement les changements climatiques. Et à cet effet, l'éditrice en chef du journal, Catherine Weiner, propose une sérieuse réorientation terminologique. Parmi ces changements, notons qu'urgence climatique ou crise climatique remplace désormais le concept scientifique de changement climatique. Et les climato-sceptiques sont maintenant appelés des négationnistes climatiques ou des négationnistes de la science du climat. D'accord. Est-ce que cette réorientation du journal The Guardian aura aussi des effets sur d'autres médias et associations de journalistes? Oui, ça a déjà des effets qu'on peut observer. Par exemple, aux États-Unis, l'initiative Covering Climate Now a émergé du partenariat des revues The Nation et du Columbia Journalism Review. Elle vise à développer de meilleures méthodes de couverture journalistique des changements climatiques et des phénomènes qui y sont reliés. Au Canada, l'Association canadienne des journalistes a adopté une position visant à encourager l'ensemble des journaux canadiens à adopter un plan d'action afin de mieux rendre compte de la crise climatique. L'Association implore ses journalistes d'adopter un plan d'action pour couvrir, situer dans son contexte et localiser l'histoire la plus importante de notre temps, en plus de tenir redevables les institutions publiques et privées pour leurs actions et surtout leurs inactions en matière de changement climatique. Mm-hmm. Le but des médias est, on le sait, de divulguer une information de qualité, une information véridique. Également, les médias sérieux doivent aussi tenter de rester neutres, de représenter les faits comme ils sont. Une telle réorientation sur le traitement des enjeux climatiques et sur le négationnisme climatique soulève certainement des enjeux sur la qualité de l'information qui est transmise au grand public, en plus de soulever des enjeux sur la neutralité journalistique. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces enjeux? Donc, en effet, cette réorientation journalistique soulève un enjeu de la qualité de l'information, comme vous l'avez dit, surtout l'information scientifique. Donc, plusieurs estiment qu'il ne serait pas acceptable, qu'il serait inacceptable d'accorder la même valeur à un phénomène pour lequel il existe un consensus scientifique, mm-hmm. par exemple l'existence des changements climatiques et de ses causes anthropiques, qu'à un débat portant sur des opinions politiques qui, par leur nature même, ne peuvent pas faire l'objet d'aucun consensus scientifique. Par exemple, qui serait le meilleur premier ministre du Canada parmi les différents candidats. Donc, bien que plusieurs recherches scientifiques portant sur les changements climatiques puissent être remises en question, notamment quant aux différentes méthodes, méthodologies, modèles utilisés pour faire des prédictions, il existe quand même, il faut l'admettre, un large consensus scientifique sur l'existence des changements climatiques et de leurs causes anthropiques. Oui. Donc, ce consensus scientifique et l'urgence de la situation aussi poussent plusieurs à dire qu'il faut rejeter, dans une certaine mesure, l'équilibre journalistique ou cette recherche de neutralité, laquelle cherche à établir une certaine parité entre les différents points de vue sur l'environnement et le climat. Mais dans le contexte actuel de la crise climatique, l'équilibre journalistique ne peut présenter le point de vue négationniste comme valant autant que celui scientifique. D'autant que dans les sociétés occidentales, comme le Québec, les négationnistes climatiques ne dépassent jamais réellement les 20% du pourcentage de la population. Donc, chercher la parité journalistique à tout prix a donc pour effet de surreprésenter le point de vue négationniste, lequel aussi ne se base pas sur des démarches scientifiques rigoureuses. Et il faut aussi noter que l'absence de certitude scientifique absolue ne peut pas servir de justification à la négligence de la prise de moyens effectifs afin de prévenir, par exemple, la dégradation de l'environnement. Tout à fait. Donc, l'existence des changements climatiques et de leurs causes anthropiques causées par l'activité humaine ne doivent pas seulement être considérées comme des enjeux théoriques, mais aussi comme une situation problématique concrète où il s'avère très urgent d'agir. Donc, retarder la mise en place de moyens concrets comporte des conséquences néfastes importantes sur les populations humaines, leurs conditions de vie et même de la survie de l'espèce humaine, selon certains. Donc, de nombreux chercheurs aux quatre coins de la planète estiment que l'heure est très grave, qu'il est, pour reprendre une expression souvent utilisée, minuit moins une, pour agir. Et en ce sens, il est nocif d'accorder une tribune médiatique contribuant à semer le doute sur les fondements même des fondements scientifiques des changements climatiques. Donc, par pure prudence, on est quand même justifié d'agir plutôt que de laisser l'environnement se dégrader. Oui, et justement, David, vous avez abordé plus tôt le fait que le journal The Guardian s'efforce de mettre en place des dispositifs afin de rester à l'abri de l'influence de certains intérêts économiques et politiques dans l'objectif de donner la primauté au discours scientifique. Quelles sont les conséquences potentielles de l'intervention de ces intérêts économiques et politiques dans le traitement de l'information par les médias? Oui, donc on n'a pas vraiment d'autre choix que de constater que la qualité de l'information sur les changements climatiques a été grandement escamotée au profit d'intérêts économiques et politiques. Donc il y a des puissants lobbies industriels, composés particulièrement des membres de l'industrie pétrolière, qui ont financé un arsenal de relations publiques afin de semer le doute sur l'existence et les causes des changements climatiques. Dans leur ouvrage notable, Les marchands de doute, les historiens des sciences, Naomi Oreskes et Eric Conway, font la démonstration que de tels lobbies ont investi des milliards de dollars dans des stratégies visant à semer des doutes sur des consensus scientifiques. Donc, ces lobbies, ce qu'ils ont fait essentiellement, c'est de déployer une multitude de stratégies, notamment celle de mobiliser des groupes d'experts, des fois, il faut utiliser dans ce contexte-ci « experts », entre guillemets, revendiquant leur indépendance scientifique et orchestrer leur participation dans différents médias qui leur donnaient une tribune. Et évidemment, c'est pas nouveau au changement climatique. Des lobbies de ce genre se sont historiquement constitués et organisés de manière à nier catégoriquement les dangers du tabagisme, la dégradation de l'environnement liée aux pluies acides, des dommages à la couche d'ozone, et pour ce qui nous intéresse, de l'existence ainsi que des causes anthropiques des changements climatiques. Donc, dans cette perspective, les médias courent le risque de se retrouver instrumentalisés par ses intérêts économiques. Oui, très bien. Revenons sur la question des négationnistes climatiques. Quelles pourraient être les conséquences de l'exclusion de ces négationnistes climatiques de la couverture médiatique? Est-ce que de laisser de côté le discours négationniste pourrait participer à radicaliser certains individus, à exclure certains d'une discussion commune que nous devrions avoir? Oui, donc en effet, même si la qualité de l'information est cruciale, l'exclusion des négationnistes climatiques peut avoir des conséquences notables au sein du dialogue social. Or, toutes et tous sont touchés par la crise climatique et il est vraiment indispensable de prévenir ce qu'on pourrait considérer comme étant une radicalisation des partis qui peut rendre stérile en fait la discussion et nuire à la capacité même d'entretenir des lieux de dialogue fertiles et respectueux. Donc, il est important de souligner que la question climatique ne peut être traitée de manière isolée sans tenir compte de d'autres considérations sociales telles que, par exemple, l'égalité et l'équité. Oui. Donc, l'accord de Paris même et le groupe international d'experts sur le climat, le GIEC, reconnaissent à cet effet des liens intrinsèques entre la lutte contre les changements climatiques d'un côté et, de l'autre côté, la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. Donc, la prise en compte de l'influence des contextes socio-économiques sur la perception, sur l'interprétation des changements climatiques par les individus est très importante, voire capitale. Donc, le cas du mouvement, par exemple, des Gilets jaunes en France est éloquent. Par souci environnemental, entre autres par souci environnemental, le gouvernement français a décidé d'augmenter la taxe sur l'essence, alors que une telle augmentation a des conséquences très importantes sur les conditions de vie, en fait, les conditions sociales, les conditions économiques d'une grande partie de la population française. C'est un point intéressant parce que le mouvement des Gilets jaunes a entre autres été critiqué comme représentant un refus de participer à l'effort de réduction des GES. Oui, en effet, donc même si ça démontre, en fait, tout ce débat démontre la complexité dans laquelle on se trouve en ce moment. Donc, si on ne prend pas en compte les différentes vulnérabilités économiques et politiques des différentes parties de la population, on va rencontrer d'immenses obstacles à l'implantation de mesures durables et efficaces pour contrer les changements climatiques. Donc, la justice climatique doit aller de pair avec la justice économique ou avec la justice sociale de manière plus large. Par exemple, la question « qui doit payer pour les efforts de réduction de GES » est un réel enjeu car, à l'heure actuelle, les classes moyennes des pays occidentaux craignent d'écoper, en fait, craignent d'être les seules à payer, oui. Alors que les plus riches continueront de s'enrichir, ce qui va continuer d'accroître les inégalités sociales et économiques. En effet, et selon vous, David, les manifestations que la France a connues dans les derniers mois soulèvent-elles l'importance de mieux intégrer le public dans la prise de décision politique? Tout à fait. Donc, la prise de position scientifique de la question environnementale et climatique par les journaux fait face au défi de s'assurer d'une participation représentative du public dans la couverture des changements climatiques. Donc, dans une de nos récentes présences à votre émission, on a abordé l'importance de l'implication du public dans la démarche scientifique. Oui. Il est à cet effet essentiel de veiller à une meilleure représentativité de la société au sein de l'entreprise scientifique. Ça en va de la crédibilité et de l'efficacité même des recherches scientifiques. Et une même chose, un même souci en fait de représentativité s'applique aussi à l'entreprise journalistique. Mm-hmm. Donc, le journal The Guardian désire à cet effet mettre l'accent sur l'impact des catastrophes naturelles et des phénomènes météorologiques extrêmes dans la vie des gens. Donc, cette démarche comporte l'enjeu de concilier et de choisir aussi parfois entre l'explication scientifique et la perception locale des changements climatiques, des défis qui sont liés aux changements climatiques par différentes parties de la population. Et aussi, la prise en compte de la perception des gens affectés par les changements climatiques requiert de s'assurer d'une juste représentativité de ces personnes, ce qui peut, entre autres, rendre difficile une exclusion totale des négationnistes climatiques. Oui. Ainsi, bien qu'il soit nécessaire d'accorder une plus grande place au discours scientifique dans la couverture journalistique des changements climatiques, il demeure quand même indispensable de veiller à ne pas s'enfermer dans une approche qu'on pourrait considérer comme étant dogmatique qui ferait fi d'autres considérations sociales, telles que les conditions sociales rendant possible un dialogue admettant une pluralité de perspectives, aussi les inégalités sociales, les inégalités économiques et politiques, ainsi que les différentes perceptions locales de l'environnement et des enjeux liés à l'environnement. D'ailleurs, nécessaire de mieux comprendre les causes psychologiques, sociologiques et également politiques sont sous-jacentes au scepticisme en science et plus particulièrement à l'endroit des changements climatiques. Avant de terminer, David, qu'en est-il justement des recherches sur les causes sociologiques et psychologiques de cette résistance, voire du négationnisme à l'endroit des changements climatiques? Oui, donc on a actuellement peu d'études à ce sujet. Les causes sociologiques sont évidemment nombreuses. Il y a évidemment des intérêts économiques et politiques, j'en ai fait mention un peu plus tôt, qui militent pour que les gens croient que les changements climatiques n'existaient pas. Il existe également plusieurs médias qui s'efforcent d'émettre des doutes, dans ce cas-ci évidemment beaucoup plus subtils, sur les changements climatiques. Donc sans remettre en question leur existence, ils vont systématiquement, par exemple, rejeter toute mesure étatique ou tout programme politique qui permettrait d'investir d'importants fonds publics à la lutte contre les changements climatiques. Donc, pour le dire autrement, ils vont rejeter l'importance d'agir. Au niveau des causes psychologiques, certains vont mentionner que la crise climatique crée une véritable onde de choc dans la psyché des gens, de telle sorte à remettre trop fortement en question de fortes, en fait, des idéologies importantes de notre époque, comme par exemple l'individualisme, l'accès à la propriété, la voiture individuelle, ouais. En fait, bref, un certain mode de vie, mm-hmm. également le libre marché. Donc, des efforts pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre affectent nécessairement ces idéologies, notre idéal de vie, puisqu'ils mettent en lumière l'importance de l'action collective. Ils viennent pointer du doigt, en fait, le mode de fonctionnement de notre système économique actuel, de nos choix de vie. Et certaines études vont même mentionner l'impact sur les modes de vie des gens. Cette crise climatique contribue en fait en quelque sorte à dire aux gens « Vous avez vécu d'une telle manière, vous vivez d'une telle manière, mais ce mode de vie a détruit la planète ou participe à détruire la planète. Il faut changer maintenant. Et en fait, il faut changer nos modes de vie, réduire nos déplacements, par exemple, notre consommation de manière plus générale, etc. » Donc, une telle possibilité peut motiver ce qu'on pourrait considérer comme une certaine forme de résistance par rapport au changement climatique, une certaine forme de résistance à l'action. Ce que vous mentionnez ici semble constituer l'obstacle classique de la résistance au changement. Oui. En bref, nous ne voulons pas changer notre mode de vie que nous trouvons confortable. Oui, en fait, il y a également un obstacle psychologique important, qui est celui de la perception immédiate des changements climatiques. Donc, il est difficile pour l'ensemble de la population de faire le lien de cause à effet entre l'activité humaine et les changements climatiques ou le lien de corrélation entre l'activité humaine et les changements climatiques. Donc, que ce soit une relation de cause à effet ou une relation de corrélation, c'est pas donné par la simple perception humaine immédiate et observable. C'est pas quelque chose qu'on peut observer de manière aussi directe. Donc, pour observer une telle relation de cause à effet, une telle relation de corrélation entre l'activité humaine et les changements climatiques, faut absolument s'en remettre à la science et continuer de faire des efforts pour rejoindre le plus grand nombre de personnes possible dans une démarche qu'on pourrait considérer comme étant inclusive et participative. Donc, il faut s'efforcer de créer des conditions sociales permettant aux gens de former leur opinion et d'orienter leur action à partir de la science. Donc, si on résume, on comprend qu'il faut faire plus de place au discours et aux preuves scientifiques fiables et validées sur les changements climatiques, mais sans mettre de côté pour autant tous les autres points de vue, qu'ils soient économiques, politiques et même négationnistes. C'est bien ça? Oui, effectivement, c'est bien cela. Donc, en ce qui concerne les négationnistes, l'enjeu, c'est surtout de ne pas mettre de côté les individus, mais sans donner une trop grande crédibilité à leur point de vue. Mm-hmm. Donc, on doit atteindre l'équilibre parfait en donner une certaine place, permettre aux individus de s'exprimer, oui. sans donner trop de crédibilité à leur point de vue, ce qui est évidemment pas une tâche facile. Non, effectivement. Merci, David Rochelot, d'être venu nous entretenir sur ces enjeux éthiques du traitement médiatique des changements climatiques. Merci beaucoup. Alors, je vous rappelle que nous étions en compagnie de David Rochelot-Houle, conseiller en éthique à la Commission de l'éthique en sciences et en technologie.